J'aimerais tellement qu'ils viennent à moi. Et si jamais c'était le cas, faut que j'aille à Montréal, Stilton. M'amènerais-tu dans le Boutoka, voir les couleurs, manger des pommes? Paraît que ton contrat cher, tu reprends l'avion à la fin du mois. Écoute un peu, je serai prêt. Tu vas me manquer, pas juste à moi. Pas juste à moi. De retour sur les ondes de 89.1, assez fou. Alors, on vient d'entendre la chanson « Moi, Elsie » de Elisapie Isaac. Alors, on est en onde avec Mme Chantal Lavigne. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, Chantal Lavigne, qui est consultante en lactation IBCLC. Alors, je vais vous demander, premièrement, de vous présenter un peu qu'est-ce qui vous a amené à vouloir être consultante en lactation, puis de nous expliquer ce que c'est une consultante en lactation, particulièrement IBCLC. OK. Grosse question. Alors, je vais commencer par ma petite histoire de maman. Donc, j'ai eu des enfants. J'étais designer industriel avant, et quand mes enfants sont nés, je suis pas retournée travailler. Okay. Pour passer le temps, je me suis impliquée comme marraine d'allaitement dans mon quartier. Mm-hmm. Et j'ai fait les haltes allaitement pendant 5 ans, toutes les semaines, et la passion pour aider les mères s'est développée. Alors, j'ai décidé de m'inscrire pour l'examen de consultante en lactation en 2005. OK. Et depuis ce temps-là, je suis consultante IBCLC. OK. Puis, c'est quoi, dans le fond, est-ce que ça prend une formation pour passer cet examen-là ou pour avoir le titre, tout ça? Chaque année, il y a des critères de sélection. Généralement, pour devenir consultante en lactation, ça prend déjà des études en sciences de la santé. Infirmière, médecin, autre. Okay. Ceux qui viennent pas de ce background-là doivent faire des cours d'appoint en terminologie médicale, counseling, nutrition. Normalement, c'est des cours assez simples. C'est quand même des cours d'introduction. OK. C'est pas l'équivalent là de prendre un cours à l'université, par exemple. OK. Pour passer l'examen, il faut, en plus d'avoir les cours de base, il faut démontrer certaines heures cliniques. Dans mon temps, à moi, c'était 2500 heures de consultation clinique. Ouh. Donc, c'était Beaucoup. Je devais prouver que j'avais passé au moins 2500 heures de soutien mère à mère physique. OK. Mettons en marrainage, En marrainage, oui. OK. C'est ça. Et évidemment, écrire l'examen et pas le couler, là. Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi qu'est-ce que ça signifie, les 5 lettres, dans le fond, de l'acronyme IBCLC? Oui, IBCLC, c'est un mot anglais qui veut dire International Board Certified Lactation Consultant. OK. Donc, c'est une consultante, on a traduit ça en français par une consultante en lactation diplômée de l'IBLCE. L'IBLCE étant l'ordre et le International Board Lactation IBL. Éducation, Lactation Consultant Examiners. Ah, OK. Voilà. Ah, mais crème. Puis, dans le fond, l'examen, c'est un gros examen, puis après ça, vous avez le diplôme ou... Bien, en fait, l'examen est donné une fois par année au mois de juillet partout dans le monde. OK. Donc, c'est une reconnaissance qui est internationale. Et il faut renouveler notre licence aux 5 ans. Donc, après 5 ans qu'on a écrit l'examen, il faut envoyer nos crédits de formation qu'on a reçus. Okay. Ils vont en avoir amassé 75, donc ça équivaut à 75 heures de formation qui est reconnue par l'ordre comme étant des heures de formation valide. Mm-hmm. Ça en prend 5 en éthique. En tout cas, je te laisse je te sauve les détails parce que je m'en rappelle même pas moi-même. Et au bout de 10 ans, il faut réécrire l'examen. OK. Donc, moi, en 2015, crédit de formation ou pas, je suis obligée de réécrire l'examen. Fait que là, dans le fond, vous avez déjà refait, vous avez déjà passé la mi-parcours. Est-ce qu'il y a tant de choses qui ont changé que depuis le début, vous trouvez, ou... Les recherches en santé évoluent à une vitesse fulgurante. Mm-hmm. Donc, je trouve ça un petit peu plate de devoir réécrire l'examen. Par contre, ça nous oblige à rester très, très, très à jour. Ouais, ben ouais, en effet. Parce que les examens sont toujours basés sur les recherches qui ont été publiées l'année précédente. OK. Donc, de refaire l'examen aux 10 ans, ça nous oblige à rester à jour. OK. Ou à prendre une année sabbatique pour étudier. Ah, ouais. Puis si on va plus particulièrement dans votre travail au quotidien, est-ce que vous faites des consultations prénatales ou des cours prénatales ou vous allez juste vraiment pour aider quand l'allaitement y est commencé ou au tout début, mettons? Ben moi, je fais les deux, en fait. Je vais faire... quand je fais du prénatal, c'est souvent pour un deuxième bébé, quand le premier, l'allaitement n'a pas fonctionné. Souvent, les parents vont m'appeler pour prévenir. OK. Alors, on fait une espèce de cours prénatal sur mesure privée. Mm-hmm. Mais je fais pas de cours de groupe. OK. Puis je fais beaucoup de postnatal, en fait, comme je suis en pratique privée, parce qu'il y a des consultantes un petit peu partout. Mm-hmm. Il y en a dans le réseau de la santé, il y en a qui sont sages-femmes, il y en a qui sont chiropraticiennes, il y a des pharmaciennes. Ça vient toutes sortes de milieux. Moi, j'étais designer industriel avant, alors je fais de la pratique privée comme consultante en lactation. Je suis pas dans le réseau, donc je me déplace chez les mères. OK. À leurs besoins, évidemment. OK. Puis, mettons que les mères, ils voudraient avoir, faire appel à une consultante en lactation comme vous. Est-ce que c'est facile à trouver ou que ce soit dans le privé ou dans le public, mettons, comment que ça se fait pour trouver une consultante? Pour ce qui est du réseau public, le mieux, c'est que la mère demande à son PLST ou à l'hôpital ou à la couche ou à la maison de naissance, est-ce qu'il y a une consultante qui est sur place? OK. Pour ce qui est du privé, à l'Association des consultantes, on a une liste des consultantes qui font de la pratique privée par région. C'est sûr qu'il y en a beaucoup à Montréal. En région, c'est quand même un peu plus limité, malheureusement. Mm-hmm. Mais ça, on peut trouver ça sur le site Internet de IBCLC? En fait, ça va être sur le site de l'Association québécoise des consultantes en lactation. Et okay. L'adresse, c'est www.ibclc.qc.ca. OK, ben c'est ça. Dans le fond, ou juste mettre sur Google l'Association québécoise des consultantes en lactation. Ah, OK. C'est facile à trouver. Oui. OK. Puis quand vous faites vos consultations, que ce soit en prénatal ou en postnatal, est-ce qu'il y a un type précis de femme ou de famille? Bien, les femmes, mais je veux dire, peut-être des fois qu'il y a des pères qui font appel à vous parce que la mère est débordée, là. Est-ce qu'il y a un type qui revient plus souvent, je ne sais pas si, mettons, la femme a vu un niveau de stress plus élevé souvent ou est-ce que ça arrive souvent que la femme a moins de soutien dans son entourage familial ou est-ce que c'est plus des femmes qui sont suivies par un médecin ou une sage-femme? Ou, je pose pas tant de questions statistiques que ça, mais c'est plutôt varié. OK. Fait que dans le fond, ça peut être n'importe qui, n'importe où qui peut avoir besoin. Il n'y a pas de problème, puis ça dans le fond, l'aide apportée, elle va être selon les besoins. Oui, tout à fait, là. OK. Puis, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, c'est quand ou pour quelles raisons les femmes vous consultent le plus souvent? Douleur, blessure, manque de lait, trop de lait, bébé agité au sein, bébé qui dort trop. OK. Tout ce qui concerne généralement le bébé, et des fois c'est même pas un problème d'allaitement, des fois c'est juste un problème d'adaptation à son nouveau rôle de parent. Et culturellement, on a tendance à tout mettre sur le dos de l'allaitement. Là, les mères sont fatiguées parce qu'elles allaitent. Les mères dorment pas parce qu'elles allaitent. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de travail de démystification à faire et on a une culture ici. Parce que je vois des mères d'autres cultures et pour eux autres, souvent, ils vont dire, coudonc, c'est bien compliqué à allaiter chez vous. Ouais. Dans leur pays, c'est nettement moins compliqué. Et ici, la culture a une influence extrêmement négative sur l'allaitement, mais aussi sur le postpartum. Les mères doivent, ici, être très tôt en forme, recommencer leurs activités, sortir, se faudrait pas que le bébé dérange. Mm. Non. Et on voit plein de problèmes d'allaitement ou de mère ultra fatiguée, justement, parce que les femmes se mettent extrêmement beaucoup de pression. Les attentes sont trop grandes envers ces nouvelles mamans-là, en fond. Les attentes, oui, ou peut-être qu'on se les met nous-mêmes, les pressions, là. Donc, on est bonnes là-dedans, généralement. Oui, les filles, on aime bien ça. on a un petit penchant du contrôle freak, là. C'est pas toujours la société, mais disons qu'on est dans une société de performance, donc ouais, c'est sûr que les filles vont adhérer, puis les femmes ont des enfants beaucoup plus tard qu'avant. Mm-hmm. Donc, c'est souvent les mères professionnelles, et ces mères-là s'en mettent beaucoup, mm-hmm. beaucoup plus. OK. Puis, est-ce qu'il y a un genre de situation qui est plus difficile à aider, dans le fond, en tant que consultante pour la mère, ou ben, qui est un plus gros défi pour vous, dans le fond? Chaque cas est un défi, mais c'est, je dis pas ça dans le sens péjoratif. Chaque mm-hmm. cas est différente, donc c'est du cas par cas. Des fois, on va penser qu'une situation va être extrêmement complexe à gérer. Quand finalement j'arrive sur place et ça se règle en 2 minutes, et puis d'autres fois on se dit bon, ça va être facile et c'est totalement le contraire. Il n'y a pas de difficultés plus grandes que d'autres. Il n'y a que des familles. Okay. Et on doit s'adapter à la famille, où sont rendus, c'est quoi leurs objectifs. Il y a des mères qui me consultent pour avoir ma bénédiction pour arrêter d'allaiter, là. OK. OK. À cause de toute la culpabilisation ou à cause de tous les messages qu'on envoie, que l'allaitement, c'est donc extraordinaire, puis c'est donc merveilleux, puis c'est donc magique, puis c'est donc tout. Mm-hmm. Quand finalement, c'est juste normal. Oui. Il y a des parents qui me font venir pour que j'aille dans leur sens, dans le sens de « Ah oui, t'as raison, toi tu peux vraiment pas allaiter. Oui. » C'est une façon de se déculpabiliser. Mais la culpabilité vient souvent du message qui est transmis publiquement là, par rapport à l'allaitement, à la promotion de l'allaitement. Mm-hmm. Ils recherchent un peu, dans le fond, comme une confirmation, là, un appui quelconque, puis ça donne, dans le fond, ça pourrait leur donner une référence. Si les gens autour d'eux disent « Ah, pourquoi t'as allaité? » »« Ah, ben ma consultante en lactation m'a dit que... » Oui. Ça donne comme un appui, là. Ben, c'est ça, là. Tu sais, là, j'ai fait venir une consultante qui n'avait rien à faire, ou moi, j'ai pas de lait, ou... pardon. Mais, généralement, dans ces cas-là, il y a des fois que c'est vrai que la mère, elle peut pas allaiter. Il y a, mm-hmm. y a des situations qui font que... C'est vrai qu'il y a des mères qui font pas assez de lait. Mm. Donc, mon travail à moi, dans ce temps-là, c'est vraiment de... Bon, un, leur expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans leur corps? Pourquoi que ça fonctionne pas? C'est quoi les alternatives? Pour vraiment que la mère soit en mesure de prendre une décision éclairée, mais qu'elle soit bien avec ça aussi. Oui. Puis qu'elle comprenne que c'est pas de sa faute. Mm-hmm. Il y a des fois des situations dans la vie qui font que c'est juste comme ça. Ben oui. Mais les femmes qui vont rester souvent à mère, c'est souvent des femmes qui ne comprennent pas l'échec. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Quand tout le monde dit que tout le monde peut allaiter, puis elle peut pas, elle s'en poche. Oui. Mais il y a peut-être une vraie raison. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, que l'allaitement, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours possible. Puis ce qui se passe à l'accouchement peut influencer la suite. Mm-hmm, oui. Puis il y a beaucoup, le message est vraiment véhiculé comme quoi l'allaitement, c'est ça, c'est comme vous disiez tantôt, c'est merveilleux, c'est facile, c'est naturel, c'est inné en nous, tu sais, l'allaitement. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on a tellement peu été exposés dans notre société, c'est tellement peu fréquent. De voir des femmes allaiter en public, ça revient, mais c'est encore peu fréquent. Donc, on est tellement peu exposé dans notre entourage à des femmes qui allaitent que non, ça n'en est plus un réflexe inné et que non, c'est pas, ça va pas toujours de soi puis c'est pas toujours naturel. Là. C'est pas toujours facile. Accoucher, c'est naturel. Là. Oui, ça fait 1000 ans qu'on accouche. Là. Ben oui, ben oui. Puis on n'accouche plus comme on accouchait avant. Oui. La manière qu'on accouche aujourd'hui, ça a une influence aussi sur l'allaitement, sur le postpartum. Ça va dans tout ensemble. Ce processus-là, je veux dire, t'es à 20 semaines de grossesse, tu penses à une échographie, on est déjà en train de te mettre, c'est le côté insidieux de l'échographie, là, c'est un test qui est important, c'est un test diagnostique, faut quand même le prendre comme un test diagnostique, puis l'image qu'on voit, c'est pas notre bébé, là, c'est, mm-hmm. c'est une représentation 2D d'ondes sonores qui viennent de toucher quelque chose qui est solide. Mm. Mais déjà là, on commence à mettre dans ta tête de femme, ouf, être enceinte, c'est super dangereux. Tu vas être chanceuse, là. Fait que, si tu tu peux mettre un bébé né à terme et en santé, là, c'est qu'on va faire plein de tests. Ouais. Déjà là, on commence à semer la goutte de il faut qu'on te prenne en charge. Ah, tu ne pourras pas accoucher tout seul, tu vas avoir besoin d'une épidurale, tu vas avoir besoin. Alors, ça part de loin. Oui. C'est pas juste le fait que, OK, le bébé est sorti, on l'allait, là. Ce qui s'est passé à la grossesse, pendant la grossesse, ce qui s'est passé pendant l'accouchement, peut avoir une influence. C'est pas peu, aura une influence super importante sur la suite. C'est pour ça que les femmes qui accouchent en maison de naissance ont généralement des meilleurs résultats pour l'allaitement. OK. OK. Ah, et. Ah, ben, tu voulais. Non, non, c'est bon. OK. Ben, dans le fond, moi, j'aimerais ça savoir aussi. Comment ça se passe, les consultations? Est-ce que ça se fait des fois juste au téléphone? Est-ce que vous allez toujours à la maison? Puis, tu sais, pendant combien de temps les femmes font appel à vous? Est-ce que vous retournez plusieurs fois? Si je suis capable de le régler par téléphone, je vais essayer. Mais ça, la fin, il faut quand même que je gagne ma vie. Alors, ben ouais. par téléphone, ouais. Je ne vais jamais payer. Mm-hmm. Si je suis capable de faire un bout par téléphone, je vais le faire. Généralement, je fais une visite. OK. Après, la mère a suffisamment d'informations, de trucs, pour se débrouiller, puis je vais faire le soutien par téléphone, puis elle veut me revoir, bien là, à ce moment-là, elle me demande, mais c'est certain que je vais repasser, là, ça me dérange pas, mais comme je charge à chaque fois, mm-hmm. bien, je dis pas à la mère, tu sais, je la boucle pas trois consultations tout de suite, là. Ouais. Puis quand justement les femmes vous appellent, c'est quoi l'attitude qu'elles ont souvent? Est-ce que est-ce qu'elles vous appellent en détresse des fois? Ou tout le temps. Oh, ouais, ouais. Tout le temps. Tout le temps. Il y a une espèce de convention qu'on appelle la consultante en dernier recours. Mm. OK. Moi, j'arrive, les mères sont... 90% des mères me disent, moi, j'arrête, là. Ouais. Ah, ouais. Tu peux-tu venir voir? Moi, je suis au bout, là, j'ai tout essayé. Puis souvent, c'est un détail. Ah, c'est un peu dommage que... Au lieu de dire aux mères, ah ben essaye ça, les mères essayent toutes sortes d'affaires sans comprendre vraiment c'est quoi le problème. Il faut, avant de proposer une solution, il faut comprendre c'est quoi le problème. C'est comme si tu as une roche dans ton soulier, puis je te dis, change ton soulier de pied, je t'aide pas. Change le mal de place. Mm-hmm. Mais je t'aide pas pour vrai. Mm-hmm. Ouais. Plus vite qu'on peut intervenir, plus vite on règle le problème. Puis généralement, c'est beaucoup plus simple. Donc, dans le fond, peut-être un message qu'on pourrait passer, c'est de pas nécessairement attendre d'être rendu à sa limite, au bout de son rouleau, puis en détresse, puis d'être sur le bord de tout lâcher prise avant de faire appel à des services comme une consultante en lactation. Ben exactement, parce que si ça fait mal, si un c'est jour pas deux, normal. Ça saigne, il y a un problème. Oui. Mm-hmm. Ça fait pas de sens. S'il y avait fallu que Mme Cro-Magnon ait mal pendant 6 semaines, le bébé, elle l'aurait laissé en terre, elle aurait été manger des petits fruits. Ouais. Quand les femmes se sont dit, Madame, c'est normal les 6 premières semaines que l'allaitement fasse mal, c'est faux. Ouais. Okay. Il y a toujours une raison. Mm-hmm. L'allaitement, là, c'est bien simple. Sauf que ici, on regarde ce qui se passe à l'extérieur. Mm-hmm. Donc, on va regarder une mère, OK, le bébé, il est à l'horizontale, il a la bouche ouverte, pas pire à la bonne place, puis il a les lèvres retroussées, ah, tout est beau. Mm-hmm. Donc, il faut comprendre ce qui se passe dans la bouche du bébé. Ouais. Un bébé peut avoir un frein de langue court, peut avoir un réflexe nauséeux. Un bébé qui est né par forceps peut avoir un petit peu de la misère à téter mm-hmm. parce qu'il y a de la douleur. Un bébé qui a été en siège longtemps pour avoir un torticolis, mm-hmm. pas super évident, mais juste assez pour être pas bien dans son corps puis avoir tendance à se garder une petite épaule dans les airs. Oui. Il y a beaucoup de facteurs là, qui peuvent... Il y a beaucoup de facteurs. C'est ça. C'est pas juste ce qui se passe à l'extérieur. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Puis ici, aussi. Ouais. On laisse pas les bébés initier la tétée. On prend le bébé, on le met au sein. Mm-hmm. C'est pas la job de la mère d'allaiter. C'est le job du bébé d'aller téter. OK. Donc, le fait de laisser le bébé initier la tétée, donc on met le bébé et la mère en peau à peau. On attend que le bébé cogne un petit peu, il va cogner, il va fouiner, il va lécher, il va sentir, puis il va descendre ici son haut. Mm-hmm. Juste de prendre cette minute-là pour faire ça, ça met le bébé dans un état neurologique pour s'alimenter. Oui. Donc, il est nettement plus compétent. Mm. Mais il faut être patient. Il y a des bébés que ça leur prend 3 minutes au lieu d'une minute avant de se décider. Okay. Puis d'autres, ben c'est 20. Ah. OK. Bien, en tout cas, pour terminer l'entrevue, J'aimerais ça savoir si vous pouvez nous dire une petite histoire où est-ce que ça a été une grande réussite que vous avez aidé une femme ou pour terminer. Parce que le temps avance déjà. Une grande réussite. Je vais vous raconter une fois où j'ai vraiment rien fait. OK. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, ma job. Ma job, c'est de mettre les choses en place pour que la magie opère. Oui. J'ai un petit bébé, il est prématuré. C'est un 20... il est né à 28 semaines. Oh. Moi, je l'ai vu à 36. Okay. Si mon souvenir est bon. OK. C'est un bébé qui prenait relativement bien le sein. Il faisait mal à sa mère, mais il avait beaucoup de difficultés à soutenir sa tétée. Okay. Quand je suis là, tout va bien. Quand je pars, la mère a dit « ça ne marche plus ». J'y vais okay. trois fois. OK. Là, j'ai dit « coudonc, moi, j'ai manqué quelque chose ». Je rappelle la mère, je dis « écoute, il y a quelque chose que j'ai manqué, mais on va faire une expérience ». Je suis retournée, je m'en ai passé, puis le bébé dormait le jour, évidemment, parce qu'ils font tout ça. Et il fait le party toute la nuit. Je dis à la mère, je vais aller passer la nuit avec toi. Puis on va, c'est pas vrai que ce bébé-là va gagner. Mm. Oublie ça. Fait que je suis arrivée, j'ai mis la main, j'ai dit à la mère, déshabille-toi. On a mis le bébé sur son ventre en position en petite grenouille. On a abaissé les lumières, puis on est sorti, puis j'ai dit, tu fais rien. Tu fais absolument rien. Le petit bébé est monté. Là, je vais peut-être avoir des larmes, mais c'est parce qu'à chaque fois, je la raconte, c'est super émotif. Le petit bébé est monté jusqu'au sein. Il s'est levé sur ses avant-bras. Il a fait un contact visuel avec sa mère. La rencontre s'est faite. Le bébé est redescendu. Il a tété parfaitement. Wow! Oh, j'ai des frissons. Ah ouais, moi aussi! C'est aïe, vraiment beau. Mais c'est, ouais. La rencontre. Oui. Ça se passe vraiment. Avait pas eu lieu. Oui. Puis la mère qui est passée par la néonate, parce que c'est complètement surréaliste comme environnement, quand elle est arrivée chez elle, elle était complètement désorganisée parce que ça faisait des semaines qu'elle avait été prise en charge. Mais oui. Tout encadré. Puis là, c'est ramassé avec son petit bébé toute seule, complètement désorganisé. Oui. Quand j'étais là, ça fonctionnait parce que pour elle, c'était comme c'était la nôtre. C'était l'encadrement. Elle était en sécurité, elle avait confiance. Oui. Quand j'étais plus là, elle revenait elle-même complètement désorganisée. Mais oui. elle n'avait pas eu le temps de rencontrer ce petit bébé-là. Mm. Et ça, ça s'est fait et ça a été... J'étais partie pour la nuit, puis je suis restée là. C'est bon. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage puis les informations que vous nous avez données pour celles qui auraient peut-être le goût d'aller avoir chercher une consultante en lactation. Alors, un beau cadeau à se faire. Ouais. Alors, je rappelle votre nom, c'est Mme Chantal Lavigne qui est dans la région de Montréal. Alors, ceux qui ou celles qui écoutent, qui sont dans cette région-là, vous pouvez aller la voir. Sinon, allez trouver une consultante sur le site Internet. Alors, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Bien, bonne fin de journée. Merci. Alors, je vais terminer avant qu'on aille en chanson, juste pour vous donner des petites ressources pour ceux qui sont dans la région de Trois-Rivières. Bien, premièrement, partout au Québec, là, il y a la Ligue de la Lecce, Nourrissource, Allaitement Québec. Puis je vais mettre ça sur notre groupe Facebook, là, les ressources. À Trois-Rivières, il y a Maternaide du Québec, qu'on peut aller aussi chercher de l'aide au Centre Ressources Naissance. Puis sinon, à Shawinigan, il y a Allaitement Soleil. Oh. Oui, puis dans le fond, c'est sûr qu'on peut toujours aller voir sur le site des consultantes en lactation. Puis si jamais vous avez un livre à lire, il y aurait Près du cœur, qui est dans le fond, qui a été édité avec plein d'histoires, là, mais ça vient du groupe Maman. Je vais mettre aussi toute la le notice lien. Sur... ben ça, c'est un livre. Oui. Mais je vais mettre la notice sur le groupe oui. Facebook. Alors, voilà. Donc, notre groupe Facebook, c'est Co-Trédunion Naître Ensemble. On vous invite à venir nous rejoindre. Vous pouvez écouter les émissions sur la page Facebook. Là. Ils sont toutes... dans un document. Oui, ils sont toutes là. Alors, donc, on avait Chantal Lavigne qui était avec nous, consultante en lactation. Au retour de la pause, il y a Karine qui va se joindre à nous dans le studio pour parler de préparation commerciale, de lait maternel et une belle histoire, une expérience en allaitement. On va aller en musique, on va écouter Kali avec sa chanson « Elle m'a dit ». Vous êtes à l'écoute de Connaître Ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1.

avec tout ce qui est dit dans les médias, on sait que qu'est-ce qu'il y a dans le lait, c'est pas mal irremplaçable. Le lait maternel. Oui, c'est ça, le lait maternel qui vient des seins. Et non, parce que du lait maternisé, je veux juste faire une petite précision, ça n'existe pas. C'est vraiment un lait, c'est une préparation commerciale. Ça se peut pas du lait maternisé, ça vient pas de la mère. C'est une appellation qui est erronée. Oui, c'est ça. Ou du lait humanisé non plus, c'est pas... ça. Fait que, tu sais, on sait qu'il n'y a pas les mêmes ingrédients tout à fait parce que le lait maternel, c'est vivant, puis je vais vous expliquer ça tantôt. Mais quand même, c'est pas toujours facile, puis des fois, ben le choix, il va différer à cause de ça. C'est sûr que c'est pas grave non plus si on choisit un ou l'autre, là, mais c'est ça. Fait que, dans le fond, par rapport à l'allaitement maternel, si on commence avec les désagréments, ben on sait que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Fait que ben surtout au début, là, c'est vraiment là où est-ce qu'il y a le plus de difficultés. C'est vraiment toujours au début. Faut pas se décourager parce que des fois, ça peut prendre 3 semaines, 1 mois, même des fois plus pour que ce soit rodé, là. Ouais. Dans le fond, que ce soit devenu plus facile. Puis aussi, tu sais, des fois, le bébé, il fait pas ses nuits, fait que la mère est plus fatiguée. C'est toujours la mère qu'il faut qu'il se lève. Ça fait partie des avantages. Oui. Si la mère attire pas son lait, ben c'est toujours elle qu'il faut qu'il se lève. Oui. C'est toujours elle qu'il faut qu'il allaite. C'est toujours elle qu'il faut qu'il prenne le temps. Mais ça veut pas dire que c'est un inconvénient non plus, parce qu'on a le bébé collé, puis ça peut être très agréable. mais c'est ça. Dans le fond, en dehors de ça, ben, les 2-3 premiers jours, il y a la montée de lait qui peut être un petit peu douloureuse, que la poitrine va être un peu sensible, ou très sensible même. si le bébé ne tète pas beaucoup au départ, ben il y a le tire-lait qui peut être nécessaire, puis ça peut être quelque chose qui n'est pas super agréable pour certaines femmes ou que ça leur tente pas tout ça. Mais c'est sûr que si on veut continuer à allaiter, c'est quasiment essentiel parce que sinon, ça va faire un engorgement puis ça peut, dans le fond, ça peut nuire à l'allaitement plus tard. Dans le fond, à part de ça, ce que je viens de vous nommer, c'est surtout les avantages qu'on retrouve dans l'allaitement maternel. Fait que, dans le fond... le côté pratique, veut pas, où est-ce qu'on est, peu importe le lieu à la maison, au resto, en vacances, tout qu'est-ce qu'on a de besoin pour nourrir le bébé est sur nous. Ouais. On n'a rien à traîner. Littéralement. Ouais. Ça, c'est le premier, selon moi, là, c'est mon opinion personnelle, l'avantage le plus important, c'est gratuit, on n'a rien à acheter. C'est le lait le plus approprié pour le bébé parce que c'est lui qu'on fabrique puis qui va avoir tous les anticorps pour le bébé parce que le bébé il côtoie les mêmes microbes que nous. Ouais. Fait que ça, c'est pratique pour ça. Comme je disais tantôt, même si c'est la mère qui se lève tout le temps, ben c'est la mère qui profite de ce moment exceptionnel-là. Ouais. Si on peut dire, moi, je trouve que ça en est un, là, mais... fait que, dans le fond, ça, c'est un gros avantage. Juste la proximité. Avant d'aller dans les avantages puis les inconvénients des biberons, je veux juste faire un petit aperçu, mais juste vous glisser un mot sur les fausses idées sur l'allaitement. Est-ce que ça abîme la poitrine? moi, j'ai entendu que ça réduisait des fois la poitrine parce que ça brûle les graisses dans les seins. C'est sûr qu'après l'allaitement, les seins vont être plus petits parce qu'il n'y a plus de production lactée. Ouais. Mais ça abîme pas la grossesse, la poitrine. C'est la grossesse qui transforme les seins sans les abîmer. Puis si les seins ont un bon support, c'est-à-dire un bon soutien-gorge, ils ne devraient pas être déformés. Là. C'est pas quelque chose qui vient avec l'allaitement, la déformation ou l'abîme des seins. Est-ce que c'est vrai, d'après vous, qu'une petite poitrine ne permet pas l'allaitement? Ben c'est sûr que non. Là. Et non, c'est faux. Alors, c'est la taille des seins n'a aucun impact sur la quantité ou la qualité du lait non plus. C'est vraiment... ça n'a pas rapport. allaiter, est-ce que ça fatigue? Ben moi, je dirais que non, parce que la nuit, quand tu peux allaiter coucher, tu n'as même pas besoin de te lever, d'aller chauffer le biberon, de revenir. C'est ça, exactement. Si jamais, toi, tu n'as pas envie de te lever, ben le père peut se lever, prendre le bébé, te l'amener. Donc, tu peux rester couché, tu peux somnoler en allaitant. Donc, d'après moi, non. Oui, bien, de ce côté-là, c'est vraiment ça, c'est faux. C'est vraiment le rythme des tétés qui va fatiguer. Si, mettons, il y en a beaucoup la nuit, bien, c'est sûr que la mère peut être fatiguée. Mais ça ferait la même affaire avec le biberon. Ouais, ben fait que, oui. Tu sais, c'est pas... puis même peut-être plus parce que là, justement, comme tu disais, faut le préparer, faut se lever, puis tout ça. Mais c'est quand même sûr que... bon, c'est quand même... physiquement, c'est quand même demandant, là, l'allaitement. Ouais. Je pense que ton corps a plus besoin d'augmenter son métabolisme ou je sais pas quoi, là... pendant l'allaitement que pendant la grossesse. J'avais entendu ça, que pour le corps, c'est plus éprouvant l'allaitement que la grossesse parce que t'es constamment en train de produire, dans le fond, de la nourriture pour quelqu'un d'autre. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, le corps travaille plus. Ben ça, moi, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais okay. Je serais pas prête à mettre mon nom là-dessus. Ouais. Parce que, ben, premièrement, j'ai jamais allaité, j'ai pas d'enfant. Fait, mais en dehors de ça... t'sais, si ton corps il est fait pour ça, oui, ça va sûrement te demander de l'énergie, mais la grossesse aussi, là, c'est quelque chose, là, surtout pour les femmes qui ont des nausées ou il y a vraiment plein de facteurs qui peuvent influencer ça. Là. Ouais, fait que ça dépend selon la femme. C'est ça. Deux petits derniers avant qu'on parle des avantages et inconvénients du biberon. La bière favorise la production de lait. Vrai ou faux? Je dirais faux. Karine, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je dis oui, parce qu'il y a du malt dans la bière et ça aide à la lactation. Ah ouais? Ben, moi, de ce que j'ai trouvé, c'est que c'est faux. Parce que dans le fond, c'est l'allaitement puis la succion qui vont augmenter la lactation. Plus le bébé tète, plus il va avoir de lactation. Le malt, j'ai pas trouvé ça, mais dans le fond, de toute façon, tu sais, si tu bois de la bière puis tu vas allaiter tout de suite après, c'est pas super recommandable. Non, mais il y a de la bière sans alcool. Ça ah ouais, ah personne... effectivement, ouais, de ce côté-là. Puis tu sais, si on parle de choses à éviter de boire aussi pour allaiter, on peut glisser un mot sur le café puis le soya. Là, c'est pas super bon non plus quand on veut allaiter. L'important c'est de s'informer. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que c'est inutile d'allaiter si je me dis que je veux juste allaiter 6 semaines? Oh mon Dieu, mais c'est sûr que non. C'est sûr que tout allaitement, que ce soit quelques heures ou quelques années, tout allaitement est utile. Ouais, exactement. C'est jamais inutile. Ça, c'était une petite facile pour terminer. Maintenant, avantages et inconvénients du biberon. Des inconvénients, sans faire de paranoïa. Le lait du commerce, là, pas du lait de vache, là, les préparations commerciales, ça sera jamais aussi bon que le lait maternel. Ça, c'est sûr. OK, ça, c'est un inconvénient, là, ça sera jamais aussi bon. mais on parle pas de goût, là, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a comme élément nutritionnel, puis tout ça. Ça coûte quelque chose. Ça peut faire monter le bill assez vite. Biberon, lait, stérilisateur, tétine, blablabla. Puis aussi, il faut se lever pour le préparer la nuit. Ouais. Faut prendre le temps le jour, le chauffer, tout ça. Faut traîner aussi tout le stock pour si on sort à l'extérieur, exemple. Oui, exactement. Puis du côté des avantages, n'importe qui peut donner le biberon. Mm-hmm. Ce qui est quand même pas juste un avantage du biberon parce que la femme peut tirer son lait puis le mettre dans un biberon. Absolument. À part de ça, c'est sûr que si on donne de la préparation commerciale, la mère peut boire ou manger ce qu'elle veut. Ouais. Sans aucun problème parce que ça s'en va pas dans l'estomac du bébé après. Aussi, les quantités sont clairement définies sur les biberons, tout ça. Fait qu'on sait tout de suite qu'est-ce qu'on donne comme quantité de lait au bébé. Puis, dernier avantage, c'est sûr que ça permet d'être plus pudique. Ouais. Quand on veut allaiter à l'extérieur, devant, en public, tout ça. Donc, en résumé, c'est vraiment... c'est vraiment selon chaque personne, chaque femme qui va décider si on aime mieux allaiter ou donner un biberon. Puis j'ai trouvé un petit proverbe qui dit « Mieux vaut un biberon donné avec bonheur qu'un sein donné à contre-cœur », ce qui est quand même vrai. C'est absolument vrai. Ouais. Maintenant, juste pour comparer, avant de parler avec Karine de son expérience personnelle, tout ce qu'il y a dans le lait, la préparation commerciale comme ingrédients nutritionnels, c'est les mêmes, comme acide gras, minéraux, vitamines, blablabla, protéines, eau. C'est juste que ça ne sera pas nécessairement les mêmes quantités ou les bonnes quantités, puis ça ne sera pas nécessairement les mêmes qui vont être aussi bien assimilés par le bébé, dans le fond. Donc, par rapport au lait maternel, tu parles? Oui, les éléments nutritionnels, ça va être les mêmes, mais pas nécessairement les mêmes quantités, puis les bonnes quantités, puis aussi ce qui est plus absorbé par le bébé. Ce qu'il n'y a pas dans les préparations commerciales, c'est les facteurs, les hormones, les facteurs de croissance, des antibactériens, des antiviraux, des anticorps, des anti-allergènes aussi, quand même. Puis c'est ça, dans le fond, tout ça englobé, là, fait que c'est vraiment un gros avantage du lait maternel. Voilà. bon, maintenant, si on parle de d'allaitement, Karine, toi, qu'est-ce que tu as fait? Dans le fond, tu as une petite fille qui a quel âge? Qui a 5 ans et demi. OK. Puis, dans le fond, avant d'avoir ta fille puis tout ça, comment tu t'es préparée pour l'allaitement? J'ai commencé par suivre des cours prénataux pendant ma grossesse. Puis, pendant ça, on a eu un cours d'à peu près une heure sur l'allaitement. Puis, moi, je trouvais que c'était vraiment pas suffisant. OK. Fait que par moi-même, j'ai cherché des groupes d'entraide en allaitement. Puis, c'est ça, je me suis inscrite à des cours. OK. Eux, ça consistait en 3 cours de 2h30 environ. Puis là, c'est ça, là-dedans, on voyait vraiment tout de pendant la période de la grossesse jusqu'à l'accouchement, puis après le postpartum avec le bébé, vraiment tout ce qui concerne l'allaitement. Là. OK. Puis après ça aussi, tu m'avais dit que tu avais fait du bénévolat, ça, c'était-tu avant d'accoucher ou... Non, en fait, c'est après, parce que pour pouvoir faire du bénévolat dans ce groupe-là, il fallait avoir allaité au moins 6 mois. OK. Question d'avoir un peu de connaissances puis de vécu, ouais, parce que c'est vraiment du mère à mère. C'est ça. Fait que en fait, j'ai attendu d'être rendue à 6 mois. Okay. Et là, je me suis proposée pour être bénévole. Puis là, j'ai fait des formations. OK. Puis j'ai été bénévole. Parce que tu avais aimé ton expérience d'allaitement, oui. Puis tu voulais partager. Oui, vraiment. En fait, c'est un peu le début de mon histoire vers la pratique sage-femme. Je me suis dit, je vais commencer par ça. Puis là, je suis vraiment tombée en amour avec l'entraide, avec les mères, le fait d'informer et tout. Mm-hmm. Puis, dans le fond, quand tu étais enceinte, c'était quoi tes motivations à vouloir allaiter, là, en général, mettons? c'est drôle parce qu'en fait, pour moi, c'était comme clair, ça allait de soi. Ouais. Je suis un mammifère, je vais allaiter, j'ai des seins, c'est fait pour ça. C'était même pas une décision, là. Non. C'était comme... Puis en fait, c'est drôle aussi parce que dans mon entourage, j'avais personne qui allaitait. Fait que j'avais pas d'exemple non plus, mais pour moi, dans ma tête, fallait que je le fasse. OK. Puis oui, aussi pour tous les avantages qu'on a vus tout à l'heure. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'était clair pour moi. Là. Fait que tu n'as même pas posé la question finalement. Non, pas du tout. OK. Puis quand tu as eu ta petite fille, puis tu as commencé à allaiter, ça a-tu été facile ou t'as rencontré? Pas toujours. Puis en fait, ça. Je suis vraiment contente d'avoir fait les cours pour ça parce que quand les problèmes sont arrivés, si on peut dire, j'étais prête. Ouais. Puis je les connaissais, je savais comment les identifier puis comment les régler. Mm-hmm. À la naissance de ma fille, peut-être 2 jours après, ils se sont rendus compte qu'elle faisait une jaunisse. OK. C'est pas tant un problème en soi, mais c'est qu'il faut allaiter comme vraiment plus souvent pour éliminer ça. OK. Par la suite, j'ai aussi fait des ampoules de lait. C'est comme sur le bout du mamelon, il y a un canal qui se bouche, puis ça fait comme une petite peau, mais le lait veut essayer de sortir quand même, ça forme un genre d'ampoule. Ça doit faire mal. C'est ça, c'est pas très confortable, mais bon, j'ai pu le régler aussi. Puis par la suite, j'ai aussi fait du muguet. Okay. C'est comme des champignons, si on ça veut. Chauffe, hein? Oui, c'est ça, mais ça chauffe sur nous, mais ça chauffe aussi dans la bouche du bébé, si lui en a aussi. Mm. Puis c'est ça, j'ai pu le régler aussi. Assez facilement. Par toi-même ou tu as fait appel du soutien? Pour cela, je l'ai réglé par moi-même parce que je savais un peu comment on utilisait du violet de gentiane, puis ça se vend en pharmacie, en vente libre, donc ça n'a pas été difficile pour ça. Puis les ampoules, as-tu fait appel à... Justement, parce que j'avais suivi des cours, j'avais comme un réseau, fait que j'ai pu aller voir... C'est pas bon. Vraiment une vraie consultante avec qui on a parlé tout à l'heure, mais ils m'ont dirigé dans le fond, là. Fait que tu avais vraiment, dans le fond, tu t'es bâti ton soutien, ton réseau de soutien avant, puis ça t'a beaucoup aidé. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Puis pendant toute ton expérience d'allaitement, as-tu quelque chose que tu retiens que tu as vraiment aimé, là? Oh mon Dieu, dur à dire. J'ai vraiment tout aimé. Mais peut-être juste pour dire par rapport aux avantages et inconvénients que tu disais tout à l'heure, le fait que c'est la maman qui allaite tout le temps, puis tout ça, puis que c'est un contact. Mais moi, j'aimais ça parce que souvent, quand on a un nouveau petit bébé, c'est comme tous les gens veulent le prendre. Le prendre, je le veux dans mes bras, prête-moi-le. Mais là, le fait de non, faut que j'aille allaiter. Bye-bye. C'est vrai que c'est une pas pire excuse. Les gens, là, ils devraient tellement juste comme faire le ménage ou nous aider avec le reste des trucs à la maison. Ça. Nous, on veut notre bébé. Dans beaucoup de cas, en tout cas, c'est vrai que la mère, elle veut garder. Tu m'avais dit aussi que tu avais dans la tête que tu allais continuer ton allaitement à 6 mois. Puis finalement, tu as continué plus longtemps. Oui, en fait, j'ai allaité 18 mois. OK. C'est qu'au départ, quand tu suis tes cours, t'as comme pas d'idée préconçue. Tu dis, OK, je vais. Ils recommandent 6 mois d'allaitement exclusif, c'est ça que je vais faire. Mais une fois que t'es dans l'expérience, tu t'en rends comme pas compte. Mm. Puis là, tu dis, coudonc, ça fait déjà 6 mois. On continue. Là, oups, 1 an, mais c'est pas plus compliqué. Puis des fois, c'est plus facile. C'est puis souvent aussi, c'est que le nombre de tétés par jour diminue. Ouais. Fait que. 12 mois, c'est rendu à 2 tétés par jour, une le matin, une le soir avant de se coucher. Fait que c'est pas compliqué. Oui. Puis ben non, tu continues jusqu'à. Ben, en tout cas, moi, ça l'a été jusqu'à ce que bébé décide que c'est terminé. Finalement. Ah, c'est bon. C'est vraiment ta fille qui. Elle n'en voulait plus. Non, c'est ça. Elle n'en avait plus besoin, dans le fond. OK. OK. Faut dire aussi que l'allaitement, c'est pas juste un mode d'alimentation. Là. C'est vraiment plus que ça. Là. Ouais. C'est toute la stimulation du bébé, tout le développement de ses sens, la proximité, la sécurité avec la mère, le contact peau à peau. C'est une super proximité là, que tu peux avoir. C'est la plus grande proximité que tu peux avoir avec ta mère. Puis tu retrouves un peu toutes les sensations physiques et émotives que le bébé retrouve ça de quand il était dans le ventre. Bien, c'est comme l'histoire que Chantal Lavigne nous a conté tantôt, le contact du petit bébé qui a fait avec sa mère, qui a fait que l'allaitement a bien été après. C'est, ça démontre vraiment que c'est pas juste l'alimentation, absolument. L'allaitement. Mm-hmm. Ça. Alors, c'est ce qui conclut déjà l'émission. Ça a passé vite. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Mais de rien, ça fait plaisir. Merci, Christine, aussi. Ben, ça me fait très plaisir. On remercie Chantal Lavigne qui a été avec nous tout à l'heure en entrevue téléphonique. Merci à Ingrid, à la recherche musicale et à la mise en onde. On va finir l'émission avec une chanson de Joran qui est une reprise d'Indochine, la chanson « Le baiser ». On vous invite à être à l'écoute de la prochaine émission « La langue dans ton oreille » avec David. On vous revient la semaine prochaine avec une nouvelle émission de Connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. Bonne journée tout le monde. Je m'en fous, je veux.